Chrétien de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal aux éditions Flammarion. Résumé. Perceval vit à l'écart du monde, ignorant de tout, et même de son nom. Un jour, dans la forêt, il croise, émerveillé, 5 chevaliers revêtus de leur armure et décide de rejoindre la cour du roi Arthur pour se faire à son tour armé chevalier. Ainsi débutent les aventures de Perceval, qui affrontera 100 ennemis, rencontrera l'amour et tentera de percer le mystère du Graal. Comment un enfant rustre et naïf va-t-il devenir un parfait chevalier? C'est toute l'histoire de ce roman d'apprentissage avant la lettre. Car Perceval ne parviendra au plein épanouissement de sa personnalité qu'à condition de connaître les codes en vigueur. Et même alors, il lui restera à s'en détacher pour accéder à une plus haute vérité.